السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue l'explication ou la traduction de l'explication résumée de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid. On est arrivé au chapitre qui est باب ما جاء في الكهان ونحوهم. Chapitre de ce qui a été rapporté au sujet des devins et ceux qui leur sont assimilés, c'est-à-dire qui sont similaires aux devins. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. Donc chapitre de ce qui a été rapporté au sujet des devins et assimilés. Muslim a rapporté dans son authentique, d'après l'une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque se rend chez un devin et le questionne sur un sujet et le croit, aucune prière de sa part ne lui sera acceptée pendant une période de 40 jours. » Il est rapporté par Muslim et aussi par Ahmed dans son Musnad. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il explique ce passage en disant « Al-Kuhan, c'est jam'u kahin » وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. الكهان c'est le pluriel de kahin et c'est celui qui informe au sujet des choses ou de choses du domaine de l'invisible dans le futur en se basant sur la demande d'aide aux démons. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité. لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد اختص الله به اختص به الله تعالى وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد. Le rapport entre le chapitre concernant ce qui a été rapporté sur les devins et assimilés et le livre de l'unicité est que comme les devins et assimilés prétendent connaître la science de l'invisible, que seul Allah le Très-Haut connaît, et ceci est une prétention d'être associé à Allah le Très-Haut dans la science de l'invisible, l'auteur a voulu clarifier dans ce chapitre ce qui a été rapporté à leur sujet et au sujet de ceux qui les croient en termes de menaces. Ma ja'a fil kuhan ay min at-taghlidh wal wa'id, c'est-à-dire ce qui a été rapporté en termes de réprimande et de menaces. ونحوهم et similaires ou assimilés كالعرافين والمنجمين والرمالين comme les voyants et les astrologues. Donc العرافين, on va le traduire par les voyants, المنجمين par les astrologues, et الرمالين c'est ceux qui tracent des traits dans le sable prétendant connaître la science de l'invisible. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها, c'est حفصة l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام. لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها. Aucune prière de sa part ne lui sera acceptée, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune récompense pour ses prières. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله أن جزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية وفي هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل مما يدل على أنه من أعظم المحرمات وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية. للسن جنرال دو سو حديث qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique et par l'imam Ahmed dans son Musnad, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en évidence la menace qui résulte de se rendre chez les devins et ceux qui sont similaires à eux, afin de les questionner au sujet d'affaires de l'ordre de la science de l'invisible, que seul Allah connaît. Car la rétribution d'une personne qui commettrait une telle action est qu'il soit privé de récompense pour sa prière, et ce pendant une période de 40 jours. Et ce, car il est en état de désobéissance. Et il y a en cela une menace sévère et une interdiction certaine de commettre cet acte. Et ceci indique que cela fait partie des choses illicites les plus graves. Et si telle est la rétribution de celui qui se rend chez le devin, qu'en est-il alors de la rétribution du devin lui-même? Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela et nous lui demandons d'être préservés. Munasabat al-hadith lil-bab, le rapport entre le hadith et le chapitre. أن في النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافاته للتوحيد. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction de se rendre chez les devins et assimiler et de les croire car cela s'oppose à l'unicité. ما يستفاد من الحديث, les enseignements tirés de ce hadith. أولا الفائدة الأولى المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك وأنه كفر. Le premier enseignement, c'est l'interdiction de se rendre chez les devins et de les questionner au sujet des affaires de l'ordre de la science de l'invisible et de les croire à ce sujet, et c'est une mécréance. Deuxième point, الفائدة الثانية تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر. Le caractère illicite de la divination, et cela fait partie des grands péchés les plus graves. Puis cher, il cite une faïda, hafidahullah, et il dit, faïda, من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في ذلك الحديث الآخر وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Un bénéfice ici, c'est que quiconque se rend chez les devins et ne les croit pas, donc il se rend mais ne les croit pas, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, comme cela a été rapporté dans l'autre hadith. Et on va le citer, Inch'Allah. Quant à celui qui les croit, il aura alors mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On continue dans le matn. Et Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, « وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داود. وكذلك أحمد في مسنده وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطه مع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. L'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se rend chez un devin et le croit dans ce qu'il dit aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. C'est rapporté par Abu Daoud. Et chez les quatre, et chez le Hakim, qui dit, authentique selon les conditions à eux deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se rend chez un voyant ou un devin et le croit au sujet de ce qu'il a dit, ou de ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Et chez Abu Ya'la, avec une bonne chaîne de transmission, d'après Ibn Mas'ud, qui dit de même, et on a ce qui est mawquf, c'est-à-dire que c'est la parole d'Ibn Mas'ud, et que c'est pas marfou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas attribué ça directement à la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. On a l'explication maintenant de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique les termes en disant, ou en tout cas quelques termes, il dit, « Bima unzila ala Muhammadin ay al-kitab wa sunnah » Ce qui était révélé, en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le ma'na al-ijmali du hadith bi riwayatayhi, le sens général du hadith dans ces deux versions. Al-wa'id al-shadid 'ala ityan al-kuhan wal-'arifin li su'alihim 'an al-maghibat wa tasdiqihim fi dhalik, li'anna 'ilma al-ghayb qad ikhtassa Allah ta'ala bih. Faman ata'ahum wa saddaqahum faqad kafara bil-wahy al-munazzal 'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sens général du hadith dans ces deux versions, c'est la menace sévère quant au fait de se rendre chez les devins et les voyants afin de les questionner sur des affaires de l'ordre du domaine de l'invisible et de les croire à ce sujet. Car seul Allah connaît la science de l'invisible. Et donc, quiconque se rend chez eux et les croit aura mécru en la révélation descendue à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الحديث للباب, le rapport entre le hadith et le chapitre. أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعارفين وبيان الوعيد في ذلك. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction de se rendre chez les devins et les voyants, ainsi que la mise en évidence de la menace à ce sujet. Ma yustafadu min al-hadith? Quels sont les enseignements tirés de ce hadith? Awalan, al-fa'idatu al-oula, tahrimu al-dhihab ila al-kuhani wal-arifina wa su'alihim wa wujub al-ibti'ad 'anhum. لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرهم محرم إذا لم يصدقهم. Le premier enseignement tiré de ce hadith, le caractère illicite de se rendre chez les devins et les voyants, et de les questionner, et l'obligation de s'éloigner d'eux, car c'est une mécréance pour celui qui se rend chez eux et qui les croit. Et c'est illicite, muharram, s'il ne les croit pas, alors qu'ils se sont rendus chez eux. Deuxième faïda, وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. L'obligation de ne pas croire les devins et les astrologues, de les démentir. ثالثا من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Quiconque se rend chez eux et les croit aura certes mécru en ce qui a été révélé ou en la révélation descendue à Muhammad صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة, quatrième enseignement tiré ici de ce hadith, anna al-kahana tashirkun li'annaha tatadammanu da'wa musharakati Allah ta'ala fi 'ilmi al-ghayb. La divination est une association à Allah, car elle contient une prétention d'être associée à Allah le Très-Haut dans la science de l'invisible. On continue dans le matn, et Cheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد وراه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغاوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل, وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. L'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: et d'après Imran ibn Hussein Kalalagré, qu'il attribue directement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie des nôtres celui qui consulte les augures ou pour lesquels elles sont consultées ou ils sont consultés, ni celui qui pratique la divination, ou celui pour lequel la divination est pratiquée, ni celui qui pratique la sorcellerie, ou pour lequel la sorcellerie est pratiquée. Et quiconque se rend chez un devin et le croit au sujet de ce qu'il a dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rapporté par Al-Bazzar avec une chaîne de transmission qu'on appelle Jayyid, on peut traduire de manière très sommaire en français par très bonne, pour faire la différence avec Hassan, qu'on va peut-être traduire par bonne. Donc, rapporté par ces termes-là, c'est des termes usés dans le hadith, et ils veulent, et chaque terme a une définition, mais on n'est pas dans un cours de Mustalah ici, et puis c'est difficile à traduire en français. Donc, revenez au livre de Mustalah pour connaître les définitions de ces différents termes. Rapporté par le Bazar avec une très bonne chaîne de transmission, et rapporté par Tabarani avec une bonne chaîne de transmission, d'après le hadith d'Ibn Abbas, sans sa parole, et quiconque se range qu'à la fin du hadith. Al-Baghawi, rahimahullah, il a dit: Al-Arraf, c'est le voyant. C'est celui qui prétend connaître les choses par des préambules qu'il utilise comme preuve de sa connaissance de ce qui a touché la victime d'un vol, ou l'endroit où se trouve un objet perdu, etc. Et il a aussi été dit que c'est le devin. Et Al-Kahin, le devin, c'est celui qui informe des affaires futures qui sont de l'ordre de la science de l'invisible. Et il a aussi été dit que c'est celui qui informe de ce qu'il y a dans l'esprit. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah a dit: Al-Arraf, c'est le nom du devin et de l'astrologue et de celui qui trace dans le sable, prétendant connaître les choses du domaine de l'invisible, ce qu'on appelle Ar-Rammal, et assimilé parmi ceux qui parlent au sujet de la connaissance des choses par ces méthodes. Dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, il dit: Laysa minna, ay, لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. سمن سبا من سمن ليس منا ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire ne peut pas commettre cela, ceux qui font partie des nôtres et qui pratiquent notre suivi et suivre notre législation. من تطير فعل الطيرة, c'est-à-dire consulte les augures. أو تطير له, ou pour lesquels les augures sont consultés. Il a ordonné à quelqu'un de consulter les autres, les augures pour lui. يعني أو تطير له أمر من يتطير له ومثله بقية الألفاظ. Et de même pour le reste des termes qui ont été utilisés ici. المعنى الإجمالي للحديث. يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحرة أو فعلت له هذه الأشياء لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به وفيها إفساد للعقائد والعقول. ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها ويلحق بذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. Le sens général de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ne font pas partie de nos suiveurs qui suivent notre législation ceux qui consultent les augures ou pratiquent la divination ou la sorcellerie ou pour lesquelles ces choses-là ont été pratiquées. Car il y a dans ces choses la prétention de connaître la science de l'invisible, qui n'appartient qu'à Allah. Et il y a en ces choses une corruption des croyances et des raisons. Et quiconque croit quelqu'un qui s'adonne à l'une de ces choses aura certes mécru en la révélation divine, qui est venue pour réfuter ces affaires de la période pré-islamique, et afin de protéger les raisons contre ces choses. Et être assimilé à ces choses, ce qu'en font certains gens en termes de lecture des paumes, les paumes de la main, ou de liaison du bonheur, des individus ou de leur malheur et de leur sort aux constellations, etc. Et chacun des deux imams, Al-Baghawi et Ibn Taymiyyah, a clarifié le sens de l'arraf et du kahin, et du munajjim et du rammal, en disant ce dont le résumé est. Toute personne qui prétend la connaissance d'une chose parmi les choses qui sont de l'ordre de la connaissance de l'invisible, soit rentre sous la domination de kahin, devin, ou est associé à lui dans le sens. Et donc, est assimilé à lui. C'est-à-dire qu'il est associé à lui dans le sens, et donc il est assimilé à lui. Et Al-Kahin est celui qui informe au sujet de ce qui arrive dans le futur. Et il prend sa connaissance de ce que les démons parviennent subrepticement à écouter, comme cela a déjà été mentionné au début du livre de l'Unicité. On a déjà parlé de ça dans un des cours précédents. Maintenant, Munasabatul Hadith il-Bab, le rapport entre le Hadith et le chapitre, أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها والتصديق أهلها. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction et le blâme sévère quant à la divination et ce qui est assimilé et de croire ceux qui s'adonnent à ces choses. ما يستفاد من الحديث؟ Quels sont les enseignements tirés de ce hadith؟ أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. Le caractère illicite de prétendre la connaissance de la science de l'invisible, car cela oppose l'unicité. ثانياً تحريم وتصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر. Le caractère illicite de croire ce qui s'adonne à cela par la divination ou autre, car c'est une mécréance. ثالثاً وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم. L'obligation de ne pas croire les devins et assimilés et l'obligation de s'éloigner d'eux et de leur science. Quatrième faïda, وجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والطرح من خالفه ما خالفه. L'obligation de s'attacher à ce qui a été révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser ce qui s'y oppose. On continue toujours dans le maître et je pense que c'est la dernière partie pour ce chapitre. وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, Ibn Abbas a dit au sujet des gens qui écrivent Abajad, on va expliquer c'est quoi, Inch'Allah, et qui regardent dans les étoiles, je ne vois pas quelqu'un qui fait ce, je ne vois pas que quelqu'un qui fait cela est une part, un hadd, nasib, le khalaq, ça veut dire nasib, que cela est une part auprès d'Allah. Cheikh Al-Fawzan explique les termes en disant, Yaktubun Abajad. أي يقطعون حروف أبجد هوز إلى آخره التي تسمى حروف الجمل ويتعلمونها لادعاء علم الغيب. يكتبون أبجد, c'est-à-dire qu'ils coupent des lettres أبجد هوز etc. qui sont appelées les lettres des phrases et ils les apprennent afin de prétendre la science de l'invisible. C'est un certain genre de lettres qu'ils apprennent. وينظرون في النجوم, ils regardent dans les étoiles. أي ويعتقدون أن لها تأثيرا فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب الذين يظنون الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب وينظرون في النجوم. Ils regardent dans les étoiles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? C'est-à-dire, et ils croient que les étoiles ont un effet, une influence, et donc basent leurs affaires sur une prétention corrompue et une croyance fausse en les étoiles et le calcul par lequel ils pensent appréhender la science de l'invisible. ما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم وبضمها ما أرى بمعنى لا أظن. Donc ما أرى, je ne vois pas, avec une fatha qui a le sens ici de je ne sais pas. Tandis que si on fait une dhamma, on dit ما أرى, c'est avec le sens de لا أظن. Donc le premier c'est لا أعلم, le deuxième c'est لا أظن. Le premier je ne sais pas, le deuxième je ne pense pas. من خلاق أي من نصيب de part, يعني, qui n'est pas une part auprès d'Allah. المعنى الإجمالي للأثر, c'est un أثر d'Ibn Abbas et c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc le معنى الإجمالي للأثر, le sens général du أثر d'Ibn Abbas, la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلم ولا أظن أن من يكتب حروف أبا جاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله لأن ذلك يدخل في حكم العرافين المدعين لعلم الغيب. Le sens général de la parole d'Ibn Abbas, il dit, radiallahu anhuma, je ne connais pas et je ne pense pas que ceux qui écrivent les lettres Abajad et qui regardent dans les étoiles et basent sur cela les jugements sur le futur, je ne veux pas pour de telles personnes qui s'adonnent à cela qu'ils aient une part auprès d'Allah. Car cela entre dans le jugement des voyants qui prétendent connaître la science de l'invisible. Maintenant, le munasabatul athar lilbab, le rapport entre le athar d'Ibn Abbas et le chapitre qui concerne ce qui a été rapporté au sujet des devins et ceux qui leur sont assimilés. Anahu yadullu ala anna kitab abijad wa ta'allumha liman yad'i biha ma'rifata 'ilm al-ghayb wa an-nadhar fi an-nujum الاعتقاد أن لها تأثيرا كل ذلك يدخل في العرافة في العراف في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. Le rapport entre le athar et le chapitre est que le athar indique que les écritures, l'écriture des lettres Abajad est leur apprentissage pour celui qui prétend connaître la science de l'invisible par ces lettres et regarder dans les étoiles avec la croyance qu'elles ont une influence, que tout cela entre dans la voyance et que ceux qui s'adonnent à cela ont perdu leur part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-athar, les enseignements tirés de ce athar d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Awalan, al-fa'idatul oula, tahrimu تعلم أبي جاد على وجه ادعاء علم الغيب به لأنه ينافي التوحيد. أما تعلمها لتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. Les enseignements tirés de ce atar, le premier enseignement, le caractère illicite d'apprendre ce qu'on appelait nous Abadjad ici, de manière à prétendre connaître la science de l'invisible au moyen de ces lettres, car cela s'oppose à l'unicité. Quant à les apprendre pour l'épellation et le calcul des phrases, alors il n'y a pas de mal à cela. Taniyan tahrimu at-tanjim, lanahu wasilatun ila shirki billahi ta'ala. Le caractère illicite de l'astrologie, car c'est un moyen vers l'association à Allah, le Très Haut, subhanahu wa ta'ala. Le premier, c'était sur caractère illicite d'apprendre l'abadja. Moi, j'ai traduit ça comme ça. Après, qu'est-ce qu'il veut dire le shir? Ah oui, dans ce sens. Mais lui, il parle de abadjad. Il a dit, par exemple, il a dit abjad, huz, etc. Il fait le hukm. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, même si on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, c'est juste en fait la différence dans le hukm par rapport à la raison pour laquelle on s'est appris en fait. Quant à les apprendre pour l'épellation et le calcul des phrases, alors il n'y a pas de mal à cela. Deuxième faïda qu'on a dit, تحريم التنجيم لأنه وسيلة للشرك بالله تعالى. Le caractère illicite de l'astrologie, car c'est un moyen vers l'association à Allah le Très Haut. Troisième, عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. Troisième enseignement tiré de ce Athar ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est ne pas se laisser duper par ce qui est donné aux gens du faux en termes de connaissances et de sciences, car cela est ce qu'on appelle en arabe l'estidraj, c'est-à-dire une conduite graduelle vers leur perte. C'est un mot qui existe dans le Coran, estadrijuhum. D'accord. Et avec ça, on a fini le cours pour aujourd'hui, parce qu'on a fini le chapitre. Et le chapitre suivant, c'est Bab Maja'a fi Nushrah, et ensuite Bab Maja'a fi Tatayur, etc. Qui sont liés à ce dont on a déjà parlé, évidemment. Et après, on rentre encore dans Bab Maja'a fi Tanjim, dont on a déjà parlé aussi. Puis Bab Maja'a fi Istisqa bil Anwa. Puis ben, قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. Et après on continue inshallah تعالى. والله أعلم وجزاكم الله خيرا وسبحانك رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.